Le roi de carreau, d'Eugène Scribe. C'était dans un bal superbe, et elles causaient toutes deux près de la cheminée. Causaient au lieu de danser, à 15 ou 16 ans. Il fallait que la conversation fût bien intéressante, et cette idée seule me donnait grand désir de l'entendre. C'était mal. Mais à qui la curiosité serait-elle permise, si ce n'est à un auteur dramatique? Ce qui est défaut chez les autres est pour lui un devoir. Il doit écouter. Ne fût-ce que par état. Et puis ces deux jeunes filles étaient si jolies, si élégantes. Dans leur pose, dans leur regard, il y avait tant de charme et de naïveté. Elles étaient si rieuses, si insouciantes de l'avenir, qu'on ne pouvait s'empêcher d'y penser pour elles. L'une, qui était blonde, parlait vivement et à voix basse. L'autre, aux beaux cheveux noirs, écoutait les yeux baissés et en effeuillant le bouquet de camélias blancs qu'elle tenait à la main. Il était évident qu'on l'interrogeait, qu'elle ne voulait pas répondre, et un instant après, elle leva sur sa compagne des yeux bleus d'une expression ravissante qui, à coup sûr, voulait dire « Je te jure, ma chère, que je ne comprends pas. » Et l'autre répondit par un éclat de rire que je traduisis ainsi « Laisse donc, je n'en crois pas un mot. » Il m'était prouvé que je comprenais, que j'étais à la conversation. Mais malgré cela, j'aurais voulu pour beaucoup l'entendre de plus près. La maîtresse de la maison m'en offrit l'occasion en me présentant une carte de whist. Je ne suis pas bien avec le whist, je le joue fort mal. Il me traite de même, ce qui fait que je l'aime beaucoup. C'est une passion malheureuse. Il n'y a que celle-là qui dure. Cette fois cependant, je fus favorisé. La table de whist était près de la cheminée, et par la place que me donna le sort, mon fauteuil se trouva contre celui de mes deux jolies causeuses, qui ne firent même pas attention à nous. Pour elle et à leur âge, un bal se compose de jeunes filles, de parures, de toilettes, de danseurs, de cavaliers. Les joueurs de whist ne comptent pour rien. Ils n'existent pas. Ce sont 4 fauteuils de plus dans un salon. Quoi, ma chère, tu n'y as jamais pensé? Jamais. Même en rêve? Est-ce que j'ai le temps? Je dors si bien. Et ta mère ne t'en a pas parlé? Pas encore. Moi, j'ai déjà refusé 2 parties. Et pourquoi? Ils n'avaient pas assez de fortune. Moi, je veux qu'il soit riche. Et toi? Moi, je voudrais qu'il fût jeune et qu'il eût de l'esprit. Bon, de l'esprit, tout le monde en a. Moi, je voudrais qu'il eût une belle place à la cour, pour être présenté. C'est là tout ce que tu désires? Certainement. J'aurai ce jour-là une si belle toilette. Quoi, en te mariant, tu penses à ta toilette? Toujours. Et à ton mari? Monsieur, s'écria vivement mon partenaire, vous n'avez donc pas de trèfle? Si, monsieur. Alors on en donne. Je vous demande pardon. J'écoutais. Je veux dire, je combinais. Je comptais les cartes déjà passées. Et pendant ce temps, j'avais perdu quelques phrases de la conversation qui se faisait derrière mon oreille et qui continuait toujours. L'aimer, certainement, si cela se trouve, si cela se rencontre. Oh, cela avant tout. En vérité. Pour cela, je veux qu'il soit à peu près de mon âge, qu'il ait à peu près les mêmes goûts, à peu près les mêmes défauts. Cela le rendra indulgent pour les miens. Quant à ceux qu'il aura, je les lui pardonne tous d'avance, pourvu qu'il m'aime bien et qu'il n'aime que moi. Ma tante m'a dit que c'est impossible. Pourquoi donc? Moi, je l'aimerais tant. Es-tu folle? C'est mon devoir. Et ce devoir-là me semble si doux. Et si lui cessait de t'aimer? Qu'importe, je l'aimerais toujours, c'est mon devoir. Et s'il te trahissait? Ah, j'en mourrais. Mais c'est égal, je l'aimerais toujours. 3 levées que nous perdons, s'écria mon partenaire. Comment, monsieur? Je renonce à cœur, je l'indique clairement, et vous ne rentrez pas une seule fois dans mon invite. Qu'importe, monsieur. Ce qu'il importe, j'avais la main pleine de petits atouts que vous avez fait tomber en jouant vos supérieurs. Et qu'est-ce que ça fait? Cela fait que ces messieurs gagnent 10 fiches. Excusez-moi, monsieur, je ne suis qu'un écolier. Je vous ai fait perdre. Et je pensais en moi-même que lui m'avait fait perdre bien plus encore en m'empêchant d'entendre la fin de la conversation, car les deux jeunes filles venaient de se lever. Il y en avait une que je suivais des yeux et qui déjà m'intéressait vivement. Je voulais et je n'osais demander son nom. « Cécile, lui dit une grande dame au regard altier, aux formes sèches et anguleuses. Cécile, mettez votre châle et partons. Volontiers, maman. L'on venait pourtant de m'inviter. Je vais me dégager. Je ne le souffrirai pas, s'écria la maîtresse de la maison. Madame d'Orthès nous accordera bien encore 1 quart d'heure. Puis, m'apercevant et me prenant par la main, « Madame la vicomtesse, me dit-elle, désirez-vous connaître et m'avait prié de vous présenter à elle. C'est une des plus ennuyeuses choses du monde qu'une présentation, mais je sentais que celle-ci donnerait à Cécile le temps de danser sa contredanse, et j'étais heureux de commencer notre connaissance par un sacrifice. C'en était un. Madame la vicomtesse d'Orthez était une femme d'une grande famille, de grande naissance et de grandes prétentions. Elle faisait des livres qui trouvaient plus d'admirateurs que de lecteurs. Il était si bien établi et convenu dans le monde que tous ses ouvrages devaient être religieux, monarchiques et sublimes, que chacun, sans les connaître, lui en faisait compliment d'avance et de confiance dès qu'ils étaient annoncés par le libraire. Celui de ses livres qui a eu le plus de succès et qui, sans contredit, a le plus contribué à sa réputation, est son roman de X, qui n'a jamais paru. Il est inutile d'ajouter que, vu sa dévotion, ses principes et surtout son grand nom, Madame la Vicomtesse ne mettait jamais le sien à ses ouvrages. C'est encore un moyen de vogue. Elle fit beaucoup de frais et parla presque seule, ce qui me convient infiniment. J'aime les femmes d'esprit, quand il n'en faut pas faire avec elles, et qu'au plaisir de les entendre, je puis joindre celui de me taire, car je suis un peu comme ce monsieur qui disait « Je vais me dépêcher de faire un gros livre bien spirituel pour avoir après le droit d'être bête pendant toute ma vie. Je ne sais pas si j'ai acquis ce droit, mais je le prends. » Madame la Vicomtesse me parla de mes ouvrages, moi des siens, de sa fille. C'était le meilleur, sans contredit, et c'était cependant celui dont elle me semblait le moins fière. Il en est toujours ainsi. Les auteurs sont d'ordinaire les plus mauvais juges de leurs œuvres. La conversation dura si longtemps qu'au lieu d'une contredanse, Cécile en avait dansé deux. La pauvre enfant ne savait comment me remercier, et sans qu'elle s'en doutât, déjà nous étions quittes. Elle venait de m'adresser le sourire le plus aimable et le plus gracieux, et me rappelant ces paroles que j'avais entendues, je me dis en la voyant s'éloigner, « Heureux le jeune homme qui pourra lui plaire, heureux le mari qu'elle choisira. » Pendant cette année et pendant l'hiver suivant, je ne rencontrai plus Cécile. Je ne vais presque jamais au bal. Au printemps de 1833, j'avais beaucoup de chagrin. Pourquoi ? Cela intéresse peu le lecteur, et je lui demande la permission de ne pas lui en parler. Je pris alors ce que je regarde moi comme le remède à tous les maux, je pris la poste, et tout en cherchant quelques sujets de comédie pour m'égayer et me distraire, je visitai l'Auvergne et les Pyrénées. Bien peu de gens connaissent ces deux pays. Il n'y a pas de négociants ou d'employés en retraite, pas d'avoués ou d'avocats en vacances, qui ne se croient obligés de faire un voyage en Suisse, afin de pouvoir dire à sa femme et à ses enfants « J'ai vu la vallée de l'Autobrunn, le lac de Brienz et le Grindelwald, chemin battu et parcouru par tout le monde, itinéraire aussi banal maintenant que celui de Paris à Saint-Cloud. Et personne ne pense aller en Auvergne et dans les Pyrénées. Oh, voyageurs parisiens, voyageurs à la suite, vous ne savez donc pas que sans sortir de France, vous trouverez des cascades, des avalanches et des pics terribles. Vous ne savez donc pas que ces Pyrénées, qui sont chez vous, qui vous appartiennent, vous offrent des vues aussi gracieuses, des scènes aussi sublimes, des spectacles aussi terribles que les Alpes elles-mêmes. Oui, j'en appelle à tous ceux qui ont voyagé par eux-mêmes et non pas dans les livres. Le cirque de Gavarni, les tours de Marboré, la roche de Roland, ne sont-ils pas, dans leur genre, aussi admirables, aussi incompréhensibles, aussi étourdissants que l'éternel Mont-Blanc, la chute du Rhin et la chute de l'Arve? Et dans aucun pays trouverez-vous, au haut d'une montagne, un lac dans le cratère d'un volcan? Oui, messieurs, oui, abonnés du café Tortoni et de l'Opéra, oui, un véritable lac et un véritable volcan, car voici encore le cratère avec sa forme évasée et offrant une ouverture circulaire d'une demi-lieue. Voici les couches de lave et à l'endroit où bouillonnait le soufre et le salpêtre. Vous voyez maintenant un lac limpide et pur qui s'élève jusqu'à la moitié de ce vaste entonnoir, tandis que la partie supérieure, couverte d'arbres et de gazon, muraille verdoyante de 150 pieds de haut, descend presque à pic jusqu'au bord du lac, de ce lac dont on a pu trouver le fond, de ce lac mystérieux et magique sur lequel personne n'oserait s'aventurer, car à l'instant ses eaux tournoyantes auraient fait chavirer la barque, et le hardi nautonnier, précipité jusqu'au fond de l'abîme, dans des feux souterrains, aurait commencé comme Lapérouse et fini comme Empédocle. Eh bien ces merveilles, qui ressemblent à un conte des mille et une nuits, ce lac qui a pris la place du volcan, ce volcan qui menace de reprendre sa place, Où pensez-vous que tout cela se trouve ? Dans les Alpes, dans les Cordillères ? Non, vraiment, en Auvergne, à 2 ou 3 lieues du Mont d'Or. Et ce lac, le lac Pavin, où vous arriverez après 2 ou 3 heures de marche, en prenant pour conducteur M. Michel Garnier, mon guide, qui ne vous demandera pour cela que 40 sous, et qui vous prendra pour un prince étranger si vous allez jusqu'à 3 francs. J'étais donc avec mon guide près du lac Pavin, couché sur le gazon au bord du cratère, et regardant au-dessous de moi ces eaux transparentes et pures que je croyais à chaque instant voir en ébullition, ce qui m'aurait grandement amusé et effrayé, lorsque j'entendis marcher auprès de moi. C'étaient d'autres voyageurs. Un vieillard, appuyé sur le bras d'une jeune fille, s'écriait d'un air de mauvaise humeur « N'allez donc pas si vite, on ne peut pas vous suivre !» Je levai les yeux, et je crus reconnaître dans la jeune personne la tournure élégante et gracieuse, la physionomie enchanteresse de ma jolie danseuse, de Mademoiselle Cécile d'Orthès. Mes doutes se changèrent en certitude lorsque j'aperçus à quelques pas derrière elle une femme qui, tenant un album et un crayon, écrivait en marchant. C'était Madame la Vicomtesse qui composait, sur le lac Pavin, une description, à coup sûr meilleure que la mienne, et que j'aurais bien fait de lui emprunter. Grandes exclamations de surprise de part et d'autre, phrases admiratives et obligées sur le tableau sublime qui se déroulait devant nos yeux. Et puis, les devoirs de politesse une fois remplis, je songeais à mon plaisir et je demandais à être présenté à Mademoiselle Cécile. « Mademoiselle ? » s'écria la Vicomtesse d'un air étonné. « Mais Cécile est mariée. » En vérité, et regardant autour de moi, je cherchais le jeune mari, m'étonnant de ce qu'il n'avait pas accompagné sa femme. « Voici mon gendre, » me dit Madame d'Orthès en me présentant au vieillard, et avec emphase, elle prononça son nom que je ne vous dirai pas. C'était un homme de haute noblesse, général sous l'Empire, duc et pair sous la Restauration, ayant dans ce moment encore un commandement militaire important, une immense fortune et beaucoup de bonnes qualités. Mais ces bonnes qualités, il y avait par malheur bien longtemps qu'il les possédait, car il avait 67 ans. De plus, des blessures, des rhumatismes et même, de temps en temps, la goutte, avec toutes ses prérogatives, c'est-à-dire l'impatience, la brusquerie et la mauvaise humeur. Du reste, fort aimable quand il se portait bien, et il souffrait pendant 10 mois de l'année. C'était là l'époux de Cécile. Je me rappelais sa conversation du bal, le jeune mari qu'elle avait rêvé, ses projets de bonheur pour l'avenir, et malgré moi je regardais la pauvre fille avec un air d'intérêt et de compassion qu'elle devina peut-être, ou dont elle me sugrait sans le savoir, car au bout de quelques minutes nous étions les meilleurs amis du monde. Son vieux mari venait de s'asseoir et se reposait. Sa mère écrivait toujours et nous causions. Tout ce qu'elle disait était simple et sans affectation, mais empreint d'une douceur et d'une mélancolie touchante. J'amenais la conversation sur son mari. Elle m'en fit le plus grand éloge. Elle me parle avec reconnaissance des titres, de la considération, de la fortune qu'il lui avait donnée, et ne dit pas un mot de son bonheur qu'il devait enlever. Âme noble et vertueuse, où tout était résignation, dévouement et sentiment de ses devoirs, mais à se parler si grave et si solennel, qui aurait reconnu la jeune fille que j'avais vue, il y a 2 ans, si étourdie, si naïve et si rieuse, que de jugement maintenant, que de tact, que de raison. « Pour avoir acquis si vite, me dis-je en moi-même, elle a donc été bien malheureuse. » Nous étions au bord du lac si pur, si limpide, si transparent. Image de son âme. Je le lui dis. Elle me regarda en souriant de ce sourire triste qui fait venir des larmes, et elle me dit « Oui, le calme à la surface. » « Et au fond, peut-être, lui dis-je, en montrant le lac. » Je n'achevais pas ma phrase, mais elle la devina car elle s'écria vivement « Non, monsieur, non, jamais !» Et elle leva les yeux au ciel. Était-ce pour le prendre à témoin ou pour lui demander du secours? En ce moment, une voix aigre se fit entendre. C'était celle de sa mère. Le général avait froid, la fraîcheur du lac ne lui valait rien, et il fallut partir. J'aurais bien voulu prendre le bras de Cécile, elle l'avait déjà donné à son mari. Sa mère restait, ce n'était point un dédommagement, au contraire, car il fallut parler littérature. Elle composait un nouveau roman qu'elle voulait me lire quand il serait achevé, à moi, qui voyageais pour mon plaisir. Je crains, madame, de ne pouvoir jouir de ce bonheur, je pars pour les Pyrénées. Nous aussi, on a commandé au général les eaux de Barège, qui sont souveraines pour les blessures. Je croyais que le général s'était arrêté au Mont d'Or. Par hasard, et en passant, il a voulu essayer de ses os, qui l'an dernier avait réussi au maréchal Soult. Mais après quelques bains qui ne lui ont rien fait, il y a renoncé, et nous partons dans quelques jours pour les Pyrénées. J'espère que nous ferons route ensemble. » Je m'inclinai respectueusement. « Où demeurez-vous au Mont d'Or ?»« À l'hôtel Chaborie, madame. »« C'est le nôtre. Et je compte bien qu'aujourd'hui, vous nous ferez le plaisir de dîner avec nous. » Je m'inclinai encore. Me voici donc, décidément, le commensal, le compagnon de voyage, l'ami de la famille. L'amitié va vite en voyage, et surtout aux eaux. Je profitais de mon nouveau titre et des droits qu'il me donnait pour parler de Cécile. Je donnais à entendre à Madame d'Orthès que ce mariage, si avantageux du reste, m'inspirait quelques craintes pour le bonheur à venir de son enfant. « Vous ne connaissez pas ma fille, monsieur, si vous saviez quelle éducation elle a reçue. Elle a été élevée au Sacré-Cœur, comme toutes les demoiselles nobles de ma connaissance. Elle a lu tous mes ouvrages, elle les lit tous les jours, et les principes qu'ils renferment sont excellents, madame. Mais enfin, votre fille est bien jeune, et si son cœur venait à parler... « Il ne parlera pas, monsieur, il ne parle jamais dans notre famille. »« Je le conçois, » lui dis-je en la regardant, « pour le passé, mais pour l'avenir, monsieur. » Et elle me toisa des pieds à la tête. « Dans quelque position que l'on se trouve, on ne manque jamais à ses devoirs, quand on a de la religion et des principes. Avec la religion et les principes, monsieur, il n'y a jamais de mariage disproportionné, jamais de danger, entendez-vous bien ?»« Je suis de votre avis, madame. » Nous arrivâmes à l'hôtel. Le général était mal disposé et sa mauvaise humeur redoubla en trouvant des lettres auxquelles il fallait répondre et des ordres à expédier. « Si Henri était là, dit-il à sa femme, il m'aiderait, il se chargerait de ce soin. Mais vous n'avez pas voulu qu'il vînt avec nous. Nous étions déjà trois dans la voiture et ma femme de chambre m'était indispensable. Voilà bien un raisonnement de femme. C'est pour un motif pareil que vous me privez d'un neveu que j'aime et d'un aide-de-camp dont je ne puis me passer. » Vous oubliez que ma mère et moi sommes là pour vous soigner. Et que d'ailleurs, monsieur Henri de Castelnau, votre neveu, doit rester à Paris pour vos intérêts. Dites plutôt pour vos caprices, parce que ce pauvre Henri vous déplaît, parce que vous ne pouvez le souffrir. Moi, monsieur, c'est assez visible, à peine si vous le regardez ou si vous lui parlez. Et il faut qu'il ait bien du courage pour revenir encore chez moi après l'accueil que vous lui faites habituellement. Vous m'accusez à tort, monsieur. Le neveu de mon mari aura toujours droit à mes égards. C'est bien heureux. Et je voudrais bien voir, morbleu, qu'on y manquât. Si quelqu'un de vous deux a raison d'en vouloir à l'autre, à coup sûr c'est lui, lui, mon seul héritier, à qui ce mariage enlève toute sa fortune. J'espère bien que non, s'écria vivement Cécile. Une partie, du moins. Et bien loin de se plaindre de sa tante, il n'en dit jamais que du bien. Il est rempli pour vous et pour votre mère d'attention et de soins. Il courrait tout Paris pour vous être agréable. Il crèverait ses chevaux pour vous avoir un billet de bal ou une loge à l'opéra. « C'est vrai, dit la vicomtesse, et ne fût-ce que pour ton mari, tu devrais, Cécile, être mieux pour Henri. »« Je fais ce que je dois, ma mère, » répondit Cécile d'un ton froid et décidé. « Allez au diable !» s'écria le général avec colère. « On n'a pas idée d'une tête pareille. Il y a des moments où elle est douce comme un ange, et d'autres où rien ne la ferait céder. À 17 ans, cela promet. Je ne sais pas, madame la vicomtesse, comment vous l'avez élevée, mais cela n'a pas le sens commun. « Monsieur !» Elle a lu mes ouvrages. C'est ce que je voulais dire. Général, vous vous oubliez. Vous avez raison, j'oublie que le dîner est servi. Pardon, monsieur, dit-il en se tournant vers moi, de vous rendre témoin d'une scène de famille. J'espère que vous ne nous trahirez pas et ne nous mettrez pas dans quelque comédie. Il prit mon bras, me plaça à table à côté de lui et pendant tout le repas, fut maussade pour tout le monde, excepté pour moi. Je dois dire cependant que sans ces brusqueries, il y avait toujours une préférence bien marquée pour sa belle-mère. Au dessert arriva encore une lettre, et le général s'écria, en frappant sur une table de manière à tout briser, « Là, il ne manquait plus que cela, Henri est blessé !» Cécile pâlit à l'instant, et ses lèvres devinrent toutes tremblantes. « Oui, blessé, il a reçu un coup d'épée, le maladroit. Rassurez-vous, » dit-il à sa belle-mère, qui savourait tranquillement une tasse de café, « il n'y a pas de danger, il y a 8 jours de passé, il va mieux. » Mais son médecin lui a conseillé les eaux de Barège. Demain, il sera ici. Demain ? Reprit la vicomtesse avec joie. Demain, dit froidement Cécile, et sa physionomie avait repris son calme ordinaire. J'attendais le lendemain avec impatience. Une voiture de poste est toujours un événement dans toutes les petites villes du monde, mais à plus forte raison au Mont d'Or, où l'unique plaisir réservé à la population locale est de voir arriver ou partir les voyageurs. Aussi, toutes les têtes se mirent aux fenêtres lorsqu'à 10 heures du matin, l'on entendit rouler une calèche. Monsieur de Castelnau entra dans le salon, embrassa affectueusement son oncle et salua les deux dames avec respect. Il avait 25 ans à peu près, grand, bien fait, une tournure distinguée, en un mot, un fort beau garçon, et ce qui vaut mieux encore, il n'avait pas l'air de s'en douter, car il ne s'occupait que des autres et jamais de lui-même. Sa physionomie franche et ouverte portait les traces de la souffrance. La fatigue de la route, ou d'autres causes peut-être, venait de rendre sa blessure plus vive. J'observais Cécile. Pas la moindre émotion ne parut sur ses traits. Elle reçut Henri avec une politesse affectueuse et s'informa de sa santé avec un intérêt fort aimable, mais qui n'était pas celui auquel je m'attendais. Quant à Henri, il était visiblement ému. Il pouvait à peine s'exprimer, et il me sembla que je lui rendais service en lui parlant de la route et du temps, qui était affreux. En effet, l'ennui de cette conversation le remit peu à peu, et il respira plus à l'aise. Il y a des moments où les indifférents et les ennuyeux sont bons à quelque chose. Dans la journée, on se promena à la cascade de Quereuil et à celle de la Venière. Henri s'approcha plusieurs fois de Cécile, mais elle donnait toujours le bras à son mari ou à sa mère, et quand elle causait, c'était avec moi. Le soir, il fit la partie du général, il lut les journaux, il expédia ses dépêches, et il écouta avec une attention digne d'un meilleur sort deux grandes dissertations de la vicomtesse. Seulement, de temps en temps, et à la dérobée, ses grands yeux noirs se tournaient comme malgré lui du côté de Cécile, qui travaillait sans le regarder et ne faisait pas plus d'attention à lui qu'à toute autre personne. Décidément, je m'étais trompé, mes conjectures étaient fausses, le pauvre jeune homme pouvait aimer Cécile, mais Cécile ne pensait pas à lui. Le lendemain, veille de notre départ, pendant que sa mère écrivait près d'elle, Cécile était au piano, et l'air qu'elle jouait était si vif et si joyeux que tous mes doutes furent dissipés. Il est impossible, me disais-je, d'avoir une passion dans le cœur quand on joue des variations pareilles, et surtout quand on les joue aussi bien. Entra en ce moment dans le salon un jeune médecin de ma connaissance. Il venait de Paris avec un grand seigneur qu'il soignait et qu'il avait accompagné aux eaux de Mont-d'Or. Les militaires parlent de leur campagne, les auteurs de leurs ouvrages et les médecins de leurs malades. C'est de droit. Aussi, mon jeune docteur, au risque d'ennuyer ces dames, se mit à nous raconter les cures merveilleuses ou bizarres qu'il avait faites, le tout assaisonné d'anecdotes plus ou moins piquantes, auxquelles moi seul prêtais quelque attention, parce qu'ainsi que je vous l'ai déjà dit, par état j'écoute toujours. Et il nous raconta, entre autres choses, qu'il avait été appelé dernièrement près d'un jeune homme qui avait reçu un coup d'épée, et que la blessure, quoique assez grave, lui avait paru des plus singulières. Elle n'était pas droite, ni faite de bas en haut, c'était tout le contraire. Et comme le malade était lui-même fort grand, il fallait, pour l'avoir ainsi frappé à la poitrine du haut en bas, que son adversaire fût immensément plus grand que lui, c'est-à-dire 8 à 10 pieds, et qu'enfin, pressé par ses raisonnements et par ses questions, le blessé avait fini par avouer que c'était un coup d'épée qu'il s'était donné à lui-même. Et pourquoi, je vous le demande, vous ne devineriez jamais une extravagance pareille? Parce qu'il voulait avoir un prétexte pour aller aux eaux de Barège. Et il me suppliait de les lui ordonner, ce que je fis à l'instant même, pauvre jeune homme, ordonnance qu'il me paya généreusement en me recommandant le secret. « Et vous tenez bien parole, » lui dis-je en souriant. « Avec vous, c'est sans danger. » La porte s'ouvrit, parut le général, appuyé sur le bras de son aide-de-camp. Henri, en apercevant le jeune médecin, courut à lui. « Vous ici, docteur ? » s'écria-t-il en lui prenant la main. Puis, nous le présentant, « Mesdames et messieurs, c'est mon Esculape, celui qui m'a guéri de ma blessure et m'a ordonné les eaux de Barège. N'est-il pas vrai ?» Le docteur balbutia quelques mots et prit congé de nous, car son malade l'attendait. Le général s'assit tranquillement dans son grand fauteuil. Henri, le sourire aux lèvres, resta debout près de la cheminée. La vicomtesse, frappée de surprise et d'indignation, voulait et n'osait parler. Cécile, pâle, la tête appuyée sur sa main, réfléchissaient en silence, et moi, je les regardais tous, trouvant la scène fort bien posée et attendant avec inquiétude le développement qu'elle allait prendre et surtout le dénouement qu'elle aurait. Le général fut le premier qui rompit le silence, en fredonnant un petit air qu'il affectionnait beaucoup, c'était un air nouveau que le compositeur lui-même n'aurait pas pu réclamer, tant le général se l'était approprié et l'avait fait sien par la manière originale dont il le chantait. « Eh bien, mesdames, s'écria-t-il après cette espèce de ritournelle, c'est donc demain que nous partons pour les Pyrénées et que nous allons pour un mois à Barège ?» Point de réponse. Chacun garda le silence, mais un rayon de joie brilla dans les yeux de Henri. « Ma belle-mère et ma femme, vous êtes-vous occupés des bagages? Avez-vous emballé vos bonnets et vos chapeaux? Tout est-il prêt pour le départ ?»« Oui, monsieur, pour le vôtre, » dit Cécile en cherchant à se donner du courage. « Comment le mien? Est-ce que nous ne partons pas tous ensemble ?»« Non, monsieur. » « Et pourquoi cela, s'il vous plaît ?»« Ma mère et moi voulions d'abord vous conduire jusqu'à Pau, où vous avez une terre et un château magnifique que nous ne connaissons pas. Notre intention était de nous y installer jusqu'à votre retour. » Et de me laisser seul à Barège, c'était bien. Non, monsieur, c'eût été mal, et la preuve, c'est que nous étions décidés à vous accompagner, à ne pas vous quitter. Mais maintenant que vous avez monsieur Henri, votre neveu, nos soins ne vous sont plus nécessaires. Qu'est-ce à dire? Je vous avoue qu'un séjour d'un mois dans ces horribles montagnes me paraît la chose du monde la plus triste, la plus pénible, la plus ennuyeuse, si j'en juge seulement par les 3 jours que je viens de passer ici. Pendant ce temps, le général s'agitait sur son fauteuil, froissait sa tabatière entre ses doigts, et je prévoyais l'orage qui allait éclater. Mais ce que je ne pus voir sans être touché de pitié, c'était la figure de Henri, qui, pâle et se soutenant à peine, venait de s'appuyer sur la cheminée. Le désespoir était empreint sur tous ses traits, et je devinais ce qui se passait dans l'âme du malheureux jeune homme. S'être blessé pour elle, pour passer un mois auprès d'elle, et se voir enlever ce bonheur par un caprice. « Corbleu ! » s'écria le général en se levant avec colère et en repoussant du pied son fauteuil qu'il renversa au milieu de la chambre. « Me prend-on pour un conscrit ? Croit-on que je me laisserai mener par une femme, par un enfant ? Vous viendrez, madame, car je l'ai dit, vous viendrez. » Cécile se leva, et toute tremblante, elle répondit froidement « Je n'irai pas. »« Et pourquoi, morbleu ? » ?»« Pourquoi ?» Cécile ne tremblait plus. Elle avait pris sa résolution et résignée à tout, n'écoutant que son devoir. Elle répondit à demi-voix, mais avec fermeté, « Parce que je ne le veux pas. » Le général furieux allait s'élancer vers elle, mais un gémissement sourd se fit entendre. C'était Henri qui se trouvait mal et allait tomber sur le parquet. Je le soutins dans mes bras, et la colère du général, changeant à l'instant d'objet, se tourna vers son neveu. « L'imprudent, l'imbécile qui depuis une heure reste là, debout, il n'y a rien de plus mauvais. Sa blessure se sera rouverte. » Je le lui dis toujours, mais personne ici ne m'écoute, personne ne m'obéit, allez tous au diable. Eh bien, revient-il à lui ? Oui, monsieur, répondit Cécile, qui s'était élancée près de Henri, lui avait fait respirer des sels et lui prodiguait les soins les plus touchants. Ah ! Dit le général, le voilà qui rouvre les yeux. Cécile s'éloigna vivement, rentra dans sa chambre suivie de sa mère, et quelques instants après, le général alla les rejoindre. Mais il paraît que ses prières et ses menaces furent inutiles, car il nous dit le soir « Cette petite fille a une tête de fer. »« Elle n'ira donc pas à Barège ?» s'écria Henri. « Non, mon ami, nous irons tous les deux, et elle, pendant ce temps, nous attendra dans mon château de l'Escar, aux environs de Pau. »« Quoi, général, vous avez cédé ?» dit Henri d'un ton de reproche. « Et comment faire? À moins de la tuer? Il n'y avait que ce moyen. Je le lui ai parbleu proposé. » Et qu'a-t-elle répondu ? Elle a répondu « Si vous me tuez, tant mieux, je n'irai pas à Barège. » Le raisonnement était juste. Une obstinée, je vous dis, une tête de fer. Du reste, la meilleure petite femme du monde. Le lendemain, de grand matin, les 2 voitures étaient prêtes. Tous les paquets étaient faits, par madame elle-même, me dit la femme de chambre. Elle n'a pas dormi de la nuit. Les chevaux étaient attelés, Cécile s'élança vivement dans la berline, et au moment où j'offrais ma main à la vicomtesse pour l'aider à monter en voiture, « Eh bien, monsieur, » me dit-elle, « vous voyez qu'avec de la religion et des principes, il n'y a jamais de mariage disproportionné, jamais de danger. » « Il y a au moins combat et souffrance, » me dis-je en moi-même, en voyant la figure pâle de Cécile, et en voyant dans ses yeux de grosses larmes qu'elle voulait sans doute cacher à tout le monde, car apercevant de loin son mari qui s'avançait vers elle, appuyé sur le bras de son neveu, « Partez, partez, postillon !» Le fouet se fit entendre, les chevaux s'ébranlèrent, et la voiture disparut à nos yeux pendant que le vieillard s'écriait « Eh bien, voyez la folle partir sans nous dire adieu, sans nous embrasser !» Ma foi, monsieur, vous qui cherchez un sujet de comédie, en voilà une, ou plutôt un drame, me dis-je en moi-même, en contemplant la figure de Henri, qui, incapable de voir, d'entendre ou de répondre, se laissa mettre par moi en chaise de poste à côté du général. Il ne pensa même pas à me remercier, ni à me dire adieu. Pauvre jeune homme, il en mourra, me disais-je. Quelques heures après, je partis aussi pour les Pyrénées. Rassurez-vous, lecteur, et ne frémissez pas. Je ne vous mènerai pas sur les pics du Mont Perdu, aussi curieux peut-être, et plus accessible que le Mont Blanc. Je ne vous conduirai pas à Luz, à Saint-Sauveur, dont l'aspect est si riant et si pittoresque. Je me hâterai de vous faire traverser le chaos, cette pluie d'énormes rochers tombés du ciel ou vomis par l'enfer. Je ne vous ferai pas entrer dans l'enceinte de Gavarnie, confondu à l'aspect de tant de magnificence, ébloui par tant de merveilles, vous ne voudriez pas en sortir. Je vous montrerai seulement les tours du Marboré, immense rocher découpé en créneaux, citadelle magique, dont les neiges éternelles reluisent au soleil comme des remparts de diamants. Je vous montrerai de loin la brèche de Roland, ce mur de granit qui séparait la France de l'Espagne et que Roland découpa d'un coup de sa bonne épée. Venez, approchez. Il y fit pour vous une ouverture de 200 ou 300 pieds, par laquelle vous pouvez apercevoir l'Aragon et le parcourir tout entier. C'est là, c'est au pied de ces sublimes tours que combattirent autrefois Agramant et Ferragus contre les preux de Charlemagne. Vous n'êtes point seul dans ces déserts. Vous y êtes entouré de tous les héros de l'Arioste. Et avec lui, vous vous élèveriez dans les nues, si ce n'était le froid qui vous saisit et vous force à redescendre sur terre. Venez alors, venez vous réchauffer au feu du bon montagnard. Regagnons le village de Gèdre, moitié français, moitié espagnol, où nous déjeunerons sans doute avec quelques contrebandiers. Puis, traversant le Bastan et franchissant le Tourmalet, nous descendrons dans la délicieuse vallée de Campan, ce paradis terrestre, qui nous conduira à Bagnères. Et si vous êtes fatigué, si vous voulez trouver le calme et le bonheur, c'est là qu'il faut vous arrêter et vous reposer. C'est ce que je fis. Chemin faisant, et tout en gravissant les montagnes, j'avais trouvé dans une fable de La Fontaine l'idée d'une comédie en 5 actes que nos derniers événements politiques pouvaient rendre assez piquante. Je m'arrêtai à Bagnères pour l'écrire. Je louai dans un endroit charmant, à côté de la belle maison de M. Lugo, une petite maisonnette qui donnait sur les allées de Maintenon. Je passai là les 15 jours les plus tranquilles et les plus heureux de ma vie, travaillant matin et soir, et parcourant dans la journée le pays enchanteur qui m'environnait, les vallées de Campan et de l'Espone, le couvent de Meudoux et l'Élysée Saint-Paul. Un jour, je gravissais le camp de César ou la peine de Léris. Un autre jour, je tentais des excursions au pic du Midi, d'où l'on découvre les plaines du Bigorre et du Béarn. Que l'air pur des montagnes, que ces riantes vallées, que ce beau soleil vous donnent de joie et de santé. Ils vous rendent la jeunesse et le bonheur, car là, au sommet de ces montagnes, tout est oublié. La souffrance du corps et les chagrins de l'âme. Par malheur, en descendant, on les retrouve dans la plaine et à la ville où ils vous attendent. Mes 5 actes terminés, il fallut partir et quitter ce beau pays. Je traversai le riant vallon d'Argelès, la ville de Lourdes. J'admirai la jolie chapelle de Notre-Dame de Bétharram et je me dirigeai sur Pau où plusieurs motifs m'appelaient. D'abord, j'avais un ami, un aimable et excellent jeune homme, ancien chef d'escadron de la garde, qui habitait avec sa jolie famille le château royal de Pau. Et je ne voulais pas quitter le Midi sans l'embrasser. Et puis, aux environs de cette ville était le domaine de l'Escar, où la vicomtesse d'Orthès et le général m'avaient engagé à m'arrêter quelques jours. J'avais grande envie de revoir Cécile, et j'arrivais au château. C'était un fort bel édifice, admirablement bien situé. Le parc s'étendait jusqu'au bord du Gave, et des fenêtres du salon on découvrait les coteaux de Jurançon, et à l'horizon, à 15 lieues, les montagnes bleuâtres, les cimes blanches des Pyrénées. En descendant de voiture, je fus reçu par la vicomtesse et sa fille qui me firent l'accueil le plus aimable. Le général, que l'on attendait, était encore à Barège. Mais quel fut mon étonnement, lorsqu'en entrant dans le salon, j'aperçus M. Henri de Castelnau assis sur un canapé et lisant le journal. Le général l'a envoyé en avant, me dit à demi-voix la vicomtesse, pour porter des dépêches au gouverneur de Pau et pour savoir des nouvelles de Cécile, qui a été très malade. « En vérité ?» m'écriai-je avec inquiétude. « Ce n'est rien, elle va beaucoup mieux. » Et en attendant le général, Henri ne pouvait pas demeurer ailleurs que dans le château de son oncle. C'est du reste, l'intention formelle de mon gendre, qui depuis une semaine nous annonce chaque jour son arrivée. Voilà donc une semaine que M. de Castelnau est ici, dis-je à la vicomtesse, qui, devinant l'idée qui me préoccupait, se hâta de me répondre. Rassurez-vous, monsieur. D'abord, vous connaissez ma fille, et ensuite, je puis vous attester que pendant tout ce temps, je ne l'ai pas quittée une minute de la journée. Elle disait vrai. Cécile restait au salon à travailler près de sa mère, et dans les promenades même du parc, jamais Henri ne se trouvait seul avec elle. Il faut dire aussi qu'il n'en cherchait pas les occasions. Sa tenue et ses manières étaient admirables. Tout respirait en lui l'affection la plus tendre, les soins les plus empressés, mais pas un mot, pas un regard, n'aurait pu trahir aux yeux d'un étranger le secret de son âme. Il avait même repris de la gaieté, de l'enjouement. Il était moins distrait. Il prenait part à la conversation, et seulement alors, je m'aperçus qu'il était fort aimable, fort instruit, et qu'à une modestie très grande, il joignait l'esprit le plus fin et le plus délicat, un noble caractère, des pensées élevées et généreuses, enfin une foule de bonnes qualités cachées jusqu'alors et qui maintenant brillaient dans tout leur éclat. La vicomtesse nous lut un article du journal qui parlait d'un suicide. « Le malheureux !» s'écria Cécile d'un air qui semblait presque une approbation. « L'insensé !» s'écria Henri avec mépris. « Cela ne vous arriverait donc pas ?» lui dis-je vivement. « Jamais, monsieur, jamais. Mourir pour soi, c'est se priver d'un si grand bonheur. Et lequel ?»« Celui de mourir pour ceux qu'on aime. » « Allons, me dis-je, il l'aime toujours, mais il a pris son parti avec courage et résignation. Il aura la force de combattre et de vaincre. » La vicomtesse me proposa d'entendre la lecture de son dernier roman. J'acceptai, et j'entrai avec elle dans son cabinet d'études, en pensant que dans ce moment son amour-propre d'auteur l'emportait sur sa surveillance de mère, et qu'elle allait ainsi laisser à Henri quelques instants de tête à tête. Je me trompais, il n'en profita même pas. La lecture que je soutins avec un courage héroïque fut longue, je m'en vante. Pendant ce temps, j'entendis Cécile jouer sur son piano des airs tristes et mélancoliques, mais elle était seule, car j'avais aperçu de loin Henri se promenant dans une des allées du parc, et quand je rentrai dans le salon, elle était seule encore, assise dans un grand fauteuil, la tête appuyée sur sa main et les yeux rouges. Elle se leva vivement et vint à moi le sourire sur les lèvres. Dans le mouvement qu'elle fit, son mouchoir tomba. Je me hâtai de le ramasser. Il était mouillé. Elle s'en aperçut et me dit, en me montrant un livre qui était sur la cheminée, « Je suis bien ridicule, n'est-ce pas ? C'est ce roman qui m'a fait pleurer. » Je regardai. C'était un ouvrage de sa mère. Je n'avais pas besoin de cette preuve pour être persuadé qu'elle me trompait. Le soir, il y eut beaucoup de monde au château. Toute la société de Pau et des environs vint rendre visite. Cécile faisait les honneurs de son salon avec une grâce et une aisance qui ne paraissaient rien lui coûter. Elle s'occupait de tout le monde, excepté de Henri, à qui, de temps en temps seulement, elle donnait quelques ordres pour l'arrangement des tables de jeu. On me mit au whist avec trois dignitaires du département. De vieux messieurs furent placés au piquet, de vieilles dames au Boston, sous la présidence de la vicomtesse. Le receveur des contributions jouait avec monsieur le maire au billard, et Cécile, prenant autour d'elle les jeunes personnes et les jeunes gens, leur proposa, pour les occuper, des jeux innocents qui furent acceptés avec enthousiasme. Les jeux innocents sont encore en honneur en province, surtout dans le département des Basses-Pyrénées. Pendant ce temps, je faisais des fautes qui durent donner à mon partenaire une bien mauvaise idée des joueurs de la capitale, mais il était dit que Cécile me ferait toujours perdre au whist, car cette fois encore, je pensais à elle bien plus qu'à mon jeu, et mes yeux se dirigeaient constamment sur le cercle joyeux qu'elle présidait. Henri s'en était éloigné et regardait jouer au billard. Des jeunes personnes rappelèrent le bel aide-de-camp, et bon gré mal gré, il fallut bien qu'il prît une place. Celle qu'il choisit était loin de Cécile, et dans les pénitences qu'il ordonna, il évita toutes les occasions qui auraient pu le rapprocher d'elle. Une fois, cependant, et d'après les règles rigoureuses du jeu, il fut ordonné à Cécile d'aller embrasser le jeune aide-de-camp. Elle se leva. En ce moment, je coupai à mon partenaire un 8 de cœur qui était roi. Il fit un mouvement d'impatience, peu m'importait. Mon attention se portait tout entière sur la jeune femme qui s'approcha tranquillement de Henri et lui présenta ses deux joues fraîches et rosées. Henri les effleura du bout des lèvres. Il ne rougit point, il ne pâlit point, Il ne perdit pas connaissance comme je m'y attendais. Il resta calme et de sang-froid. Décidément, me dis-je, c'est un héros. Et je l'admirais, et je le plaignais, et sans le vouloir, je me surpris faisant des vœux pour lui et pour cet amour sans espoir. Tous les gages étaient touchés. Les jeunes demoiselles et quelques jeunes gens s'assirent autour d'une grande table ronde qui tenait le milieu du salon, et l'on se mit à feuilleter des albums, des revues et des gravures. Les uns prirent le crayon et dessinèrent, d'autres peignaient à la sépia quelques points de vue des environs, et Henri, par complaisance pour une petite fille placée à côté de lui, sculptait avec un canif anglais un morceau de bois auquel il donnait la figure d'un ermite, genre de travail auquel se livrent avec succès les bergers des Alpes ou des Pyrénées. Le bois était dur, le canif coupait très bien, et dans un mouvement un peu brusque, le fer glissa de la main droite et fit à Henri une coupure assez forte à un doigt de la main gauche. Cécile poussa un cri et devint toute pâle. Un instant après, elle se mit à rire. La blessure n'était rien, mais saignait beaucoup. Tous les mouchoirs de ces dames furent à l'instant offerts aux blessés. Tous les nécessaires s'ouvrirent. On chercha du taffetas d'Angleterre, on le découpa, et 20 petites mains bien blanches et bien adroites s'offrirent à panser sa blessure. On riait beaucoup et on avançait peu. C'était très difficile. La coupure avait porté sur la seconde phalange du doigt et l'appareil ne pouvait jamais tenir. L'on avait beau recommencer et chercher à l'assujettir de nouveau, au moindre mouvement, il se dérangeait. « Mais monsieur, restez donc tranquille et surtout ne ployez pas votre doigt. »« Eh, mesdames, c'est aisé à dire, mais je n'y pense jamais. »« Monsieur a raison, m'écriai-je, et il faudrait, pour tenir son doigt immobile, ce que l'on appelle en chirurgie des églisses, s'écria Henri, comme pour un bras ou une jambe cassée, précisément. Et où en trouver? S'écria tout le monde en riant. En voici. Et sur la table où notre whist venait de finir, je pris une carte. C'était, je crois, un roi de carreau. Je le roulai autour du doigt blessé. Ces dames l'assujettirent avec une soie, et ainsi retenu désormais par cet appareil de carton, il n'y avait plus à craindre que le doigt se ployât et que la blessure se rouvrit. Le pansement s'acheva aux cris de joie et aux applaudissements de toute l'assemblée qui me félicita sur mes talents en chirurgie. Henri me pria de lui présenter mon mémoire pour mes frais et honoraires, et Cécile me promit sa clientèle pour toutes les piqûres d'épingles ou d'aiguilles qu'elle se ferait. 11 heures venaient de sonner. Chacun prit son bougeoir et je rentrai dans ma chambre, d'où j'entendais encore, dans les corridors, les courses joyeuses et les éclats de rire de cette folle jeunesse. Le lendemain, à 10 heures, je descendis dans le salon et je causai avec la vicomtesse, lorsqu'à notre grande surprise, nous voyons entrer le général qui nous crie gaiement « Bonjour, mes chers amis !»« Eh mon Dieu, mon gendre, d'où venez-vous ? Comment arrivez-vous ? On n'a pas entendu de voiture entrer dans la cour. »« C'est que je suis arrivé ce matin à 5 heures pendant que vous dormiez tous. »« En vérité, je n'ai voulu réveiller personne, et je suis monté tout droit à la chambre de ma femme, qui ne voulait d'abord pas m'ouvrir. » Tant elle avait peur, je crois bien, quand on est réveillé en sursaut. Elle croyait que les Espagnols ou les contrebandiers s'emparaient du château. Cette pauvre petite femme, heureusement, je l'ai bien vite rassurée. Sa santé, la vôtre, comment tout cela va-t-il? À merveille. Ne vous êtes-vous pas trop ennuyé en mon absence? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons eu hier du monde, on a joué au whist, au Boston. Justement. Et c'est à ce propos-là, ma belle-mère, qu'il faut que je vous gronde. Vous allez rendre votre fille joueuse. Moi? Joueuse comme les cartes. Il paraît qu'elle ne pense qu'à cela le jour et la nuit. Car voici, continua-t-il en riant aux éclats, une carte, un roi de carreau, que j'ai trouvé tout roulé dans son lit. C'est drôle, n'est-ce pas? Je m'efforçais de rire, ne fût-ce que pour cacher au général le trouble de la vicomtesse qui semblait frapper de la foudre. « Voyez, voyez !» s'écria le général en donnant un libre accès à sa gaieté. « Elle ne rit pas. Elle est déconcertée parce qu'elle se sent coupable. »« Oui, bien coupable, » me dis-je en moi-même. En ce moment descendirent Henri puis Cécile. On se mit à table, on déjeuna en famille. Nous n'étions que nous et, comme la veille, c'était la même réserve, la même indifférence. Mais mieux instruit maintenant, combien je trouvais d'amour dans ses yeux qui s'évitaient continuellement, dans cette froideur apparente, dans cet accord silencieux de tous les moments et de toutes les pensées. On se leva de la table, et au moment où l'on entrait dans le parc, me trouvant derrière les autres avec la vicomtesse, je lui dis « Eh bien, madame, croyez-vous encore que malgré la religion, malgré les meilleurs principes, il n'y ait pas de danger dans une union disproportionnée ? Taisez-vous, me dit-elle, voici le général. En effet, il s'approchait de nous et me dit en riant, « Eh bien, monsieur, avez-vous trouvé dans les Pyrénées quelques sujets de pièces ?»« Mais oui, un entre autres assez piquant. » « Et vous en ferez une comédie ?»« Non, général, j'en ferai une nouvelle. » C'est ainsi que se termine « Le roi de Carreau » d'Eugène Scribe.